Voici une synthèse astérisque astérisque actualisée et sourcée astérisque astérisque des informations essentielles sur Ousmane Sonko et le PASTEF, intégrant les dernières évolutions politiques et les tensions récentes, novembre 2025. Ces éléments sont directement exploitables pour votre livre, en particulier pour les chapitres sur la trajectoire politique de Sonko, la dynamique du PASTEF, et les défis actuels du gouvernement. *** Ousmane Sonko, parcours et position actuelle, 2025, *. *** 1. Parcours professionnel et engagement syndical *. *** formation et début de carrière *. Né le 15 juillet 1974 à Thiès, Ousmane Sonko est diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal. Il a exercé comme inspecteur des impôts et des domaines. *** création du CED *. Il a fondé le syndicat autonome des agents des impôts et des domaines, CED, et en a été le secrétaire général, dénonçant des anomalies fiscales et budgétaires. *** radiation controversée *. En août 2016, il a été radié de l'administration pour ses dénonciations, un événement qui a marqué son basculement vers la politique. *** 2. Ascension politique et leadership *. *** fondation du PASTEF *. En 2014, il crée le PASTEF, Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l'Éthique et la Fraternité, un parti qui se positionne comme une alternative radicale au système politique sénégalais. *** député et maire *, élu député en 2017, il a terminé troisième à la présidentielle de 2019 avec 15,67% des voix. En 2022, il est devenu maire de Ziguinchor, une région stratégique pour son ancrage politique. *** candidature présidentielle de 2024 *. Bien qu'empêché de se présenter en raison de condamnations judiciaires controversées, il a soutenu Bassirou Diomé Faye, qui a remporté l'élection présidentielle en mars 2024. *** 3. Premier ministre du Sénégal, depuis avril 2024, *. *** nomination *. Nommé Premier ministre le 2 avril 2024 par le président Bassirou Diomé Faye, Sonko est devenu une figure centrale du gouvernement, chargée de mettre en œuvre les réformes promises par le PASTEF. *** réformes emblématiques *. L'interdiction des chalutiers chinois dans les eaux sénégalaises a été saluée comme une victoire pour la souveraineté économique et la protection des pêcheurs locaux. *** le PASTEF, un parti en mouvement, 2024 à 2025, *. *** 1. Fondation et dissolution *. *** création *. Fondée en 2014, le PASTEF s'est rapidement imposé comme une force d'opposition radicale, prônant la transparence, la lutte contre la corruption, et la souveraineté nationale. *** dissolution et rétablissement *. Dissous en juillet 2023 pour appel à l'insurrection, le parti a été rétabli le 27 mars 2024, trois jours après la victoire de Bassirou Diomé Faye à la présidentielle. *** 2. Succès électoraux récents *. Élection législative de novembre 2024 *. Le PASTEF a remporté une victoire écrasante avec *. 130 sièges sur 165 *. À l'Assemblée nationale, 78% des sièges, lui donnant une majorité absolue pour appliquer son programme de réforme. *** mobilisation de la diaspora *. Les sections du PASTEF à l'étranger, Europe, Amérique, Moyen-Orient, ont joué un rôle clé dans la mobilisation et le soutien à Sonko, notamment lors des tensions récentes avec le président Diomé Faye. *** tensions actuelles, novembre 2025, Sonko vs Diomé Faye *. *** 1. Contexte des divisions *. *** nomination d'Aminata Touré *. La nomination d'Aminata Touré à la tête de la coalition au Diomé président en novembre 2025 a cristallisé les tensions entre Sonko et Diomé Faye. Cette décision, perçue comme une tentative de marginaliser le PASTEF, a provoqué une fracture au sommet de l'État. *** absence de Sonko aux réunions clés *. Son absence à une audience au palais présidentiel avec Diomé Faye a alimenté les spéculations sur l'état de leur relation, certains y voyant un signe de désaccord profond. *** 2. Soutien de la diaspora et des militants *.